dit quand son ministre de la Défense est peut-être parti en Russie pour acheter les armements avec la Russie. Seulement, il est parti voir d'abord les expositions. Quand il est revenu une semaine ou deux semaines plus tard, Tshisekedi l'a viré. Pourquoi? Parce que Tshisekedi est complice de la tuerie des Congolais. Tshisekedi, c'est le IBK. C'est-à-dire les Congolais n'ont pas le courage, peut-être, ils ont le courage, mais de dénoncer Tshisekedi. Nous sommes tous d'accord que les impérialistes sont derrière nos présidents marionnettes. Mais il faut d'abord se débarrasser du problème principal, c'est-à-dire ces dirigeants corrompus. Et c'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas combattre, ou bien espérer combattre l'impérialisme en gardant sous la main quelqu'un que l'impérialisme a installé. Afrique Média, le monde, c'est nous.